Alors j'espère que vous avez tous lu Amos au moins une fois. Moi je ne suis pas aussi strict, 4 fois c'est un peu du luxe. En préparant ce message, en étudiant Amos, je n'étais pas sûr comment faire pour qu'on lise beaucoup d'Amos. Ça prend à peu près 45 minutes pour le lire. Comment est-ce qu'on va faire pour tout rentrer et en même temps être resté attaché à la Bible, pas ce que Stéphane dit. Alors bon, on va essayer de parcourir tout le passage. Si on voulait donner un résumé très rapide d'Amos, on pourrait dire Israël a des problèmes, Dieu répond, Dieu va condamner et puis Dieu propose une deuxième solution. Mais après on aurait gagné un peu par-ci par-là sans vraiment toucher le texte. Alors, on va le prendre d'une autre manière, on va le prendre de manière chronologique. Alors, on va juste encore prier une fois. S'il te plaît, Père, tu vois ce livre, tu vois comment tu parles fort dans ce livre. S'il te plaît, aide-nous à comprendre ce que tu voulais dire et ce que tu veux encore dire. S'il te plaît, ouvre nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, cette semaine, j'ai vu une pub dans Le Point pour un roman sur Abraham. Abraham, l'homme qui inventa Dieu. Alors moi, j'ai un peu souri quand j'ai vu ça, hein. Que nous les chrétiens on dit le contraire, on dit que Dieu inventa l'homme, mais les hommes on est un peu orgueilleux et on va voir dans Amos que ça fait longtemps que l'homme est orgueilleux et qu'on oublie Dieu et qu'on pense qu'on est original. Amos est un livre sur la connaissance de Dieu. Le titre serait Connaître Dieu afin d'être prêt de le rencontrer, prêt à le rencontrer. On va rapidement faire un peu de contexte, mais Israël est une nation qui ne connaît plus le Dieu qu'ils disent servir. Ils ne servent plus le vrai Dieu, mais une image qu'ils se sont créée. L'idolâtrie n'est pas seulement adorer une petite statue, hein, on a des clichés de l'idolâtrie, on va aborder ça plus tard. L'idolâtrie aussi, c'est si on adore quelque chose qu'on s'est créé nous-mêmes, dans notre cœur. Là, c'est clair qu'Israël parle d'un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Et dans Amos, Dieu se révèle et montre qui il est vraiment. En tout cas, un aspect de qui il est. Alors, le contexte. On va faire plusieurs prophètes dans les semaines à venir. On est 750 ans avant Jésus-Christ. C'est une période de prospérité économique. Pendant qu'on y est, hein, ouvrez à Amos, trouvez-le, ça va prendre un peu de temps peut-être. Jéroboam II est roi en Israël et on sait qu'il a remporté plusieurs victoires militaires et qu'il a rétabli les frontières originelles du pays d'Israël. Et c'est en partie ça qui explique la prospérité économique du moment. Et comme souvent, hein, quand tout va bien, on a les chevilles qui enflent. Dans Amos 6:13, on va lire ensemble. C'est un peu le résumé des reproches de Dieu, qu'on va regarder rapidement ensuite. Amos 6:13, Dieu dit, « Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance ?» Et Dieu reproche ça. Vous êtes orgueilleux. Vous vous réjouissez dans quelque chose que ne vous avez pas fait par vos propres forces. On voit aussi qu'un fossé se creuse entre les riches et les pauvres. De nombreuses injustices ont lieu, car le peuple n'observe plus les lois qui ont été données par Dieu. Et Amos est le dernier prophète avant la chute de la capitale d'Israël, en 732 avant Jésus-Christ, et puis 10 ans plus tard, 722, tout le reste d'Israël sera pris en captivité par les Assyriens. Alors qui était Amos? C'est la deuxième partie du contexte qu'il faut comprendre. Ben, on sait très peu de lui. Seulement ce que dit la Bible et surtout le livre d'Amos. Originaire de Juda, au sud-est de Bethléem, Donc, du royaume du sud, hein, les deux royaumes, Israël au nord, Juda au sud, étaient soit immigrés en Israël, soit envoyés en Israël pour prophétiser. Il semble être berger, et on déduit aussi, parce que son père n'est pas mentionné, que c'était un berger modeste. Et on sait aussi qu'il cultive des sycamores, ça peut-être on en parlera, c'était probablement un ouvrier. Et on sait même qu'il n'était pas prophète professionnel, il le dit aussi dans Amos 7, mais peut-être qu'il était au début de son appel, de son ministère, où Dieu l'avait appelé à devenir voix de Dieu pour le peuple d'Israël. Alors, quel est le message? Là, on va rentrer, on va étudier, on va essayer de lire beaucoup. 9 chapitres qui disent quoi? 1. Dieu parle. 2. Dieu est juste et ne laisse pas impuni l'injustice. 3. Dieu est amour. Ça peut contredire, hein? Mais Dieu est amour et pardonnera son peuple. C'est une prophétie destinée à Israël. C'est indiqué au premier verset. Vous avez lu, hein? Parole d'Amos, verset 1, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il a eue sur Israël durant le règne d'Ozias sur Juda et de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. C'est Dieu qui parle dans cette prophétie. Il n'y a aucun doute. Amos ne fait que communiquer la parole de l'Éternel. Il vient sur la place publique et il prophétise. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. La prophétie fut d'abord orale, et là on voit que ensuite elle fut écrite, parce que y a un petit côté rédactionnel, ils disent prophétie prononcée 2 ans avant le tremblement de terre. Et alors, très, très facilement, très rapidement, le cheminement qu'on va regarder. D'abord, Dieu annonce la destruction des voisins d'Israël. Ensuite, Dieu annonce le jugement d'Israël même. Ensuite, troisièmement, il leur fait une liste de reproches. Et en conclusion, on voit que cette liste montre qu'ils ne connaissent pas Dieu. Cinquièmement, Dieu se montre à eux. Voilà qui je suis vraiment. Ouvrez vos yeux sur qui je suis. Et ensuite, Dieu explique qu'est-ce qui va leur arriver. Et septièmement, on voit que leur destruction n'est pas finale. Et qu'il y a quand même une lueur d'espoir dans un livre qui est très sombre. Alors, on commence avec le premier. Dieu annonce la destruction des voisins. On lit les premiers versets, à partir du verset 2. Il dit, de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont écrasé Galad sous des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévora le palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bicat-Aven les habitants et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera exilé à Kir, dit l'Éternel. Si on regarde chaque prophétie, contre un peuple, donc il y en a 6 nations, hein. Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon. C'est parti ou pas? Regarder sur une carte et ça rajoute un petit peu. Alors, rapidement, hein, les 6 sont mentionnés. Damas, Tyr, Gaza, Édom, Moab, Ammon. Donc Israël est ici. Et c'est toutes les nations voisines qui sont rapidement mentionnées dans ces petites prophéties. Là, on en vient d'en lire une. Et chaque fois, c'est ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Chaque fois, ça commence comme ça. Ainsi parle Dieu. Pour encore lire versets 8 et 9 de ce premier chapitre. J'exterminerai d'Asdod les habitants et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron et le reste des Philistins disparaîtra, dit le Seigneur, l'Éternel. Ensuite il enchaîne, ainsi parle l'Éternel et il commence une nouvelle. Alors l'expression peut-être pour 3 crimes, même 4, ça nous fait un peu bizarre, c'est possible, hein. Ça c'est une expression plutôt biblique. Nous, on peut mettre ça rapprocher ça avec quand on compte pour les enfants. Bon, moi, je compte pas pour les enfants, mais quand les parents comptent pour les enfants. Un, deux, je comptais à trois, hein. Deux, trois, et ensuite trois, c'est fini. Normalement, l'enfant, il est puni parce qu'il est allé trop loin. Ici, on a, vous avez allé trop loin et puis au-delà de trop loin. Alors, qu'est-ce qu'il reproche à ces nations? Pas rapidement. Chaque fois, ils reprochent comment ils ont maltraité un autre peuple. Et c'est un des autres peuples dans la liste. Donc, il reproche, vous avez fait du mal à Édom, ensuite il va à Édom, et vous avez fait du mal à Gaza. Chaque fois, Dieu reproche comment ils ont traité leurs frères. Ensuite, on arrive à Israël, à partir de chapitre 2, verset 4. Jusqu'à ce moment, donc imaginez-vous, on est en public, on est peut-être sur la place du marché, devant le palais du roi, devant ce temple, ce faux temple à Bethel, donc en Israël, et à cette nouvelle que Dieu va détruire ses peuples, je ne serais pas surpris que les gens se réjouissaient. Parce que primo, ils savaient, ok, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, Jéroboam avait fait plein de victoires militaires. Donc, à mon avis, ils n'étaient pas copains-copains avec tous les voisins parce qu'ils avaient repris des terres sur les voisins. Alors, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'ils se réjouissent. Et ensuite, Dieu passe rapidement à eux, comme s'il cherchait cet effet. Parce que le Amos 1.1 dit bien que c'est une vision sur Israël, pas sur les voisins. Et on va lire ensemble sur Juda, verset 4 du chapitre 2. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de trois crimes de Juda, même de quatre, je ne reviens pas sur ma décision, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas gardé ses prescriptions, parce qu'ils ont été égarés par des idoles mensongères que leurs ancêtres avaient adorées. J'enverrai le feu dans Juda et il dévorera le palais de Jérusalem. Et cette prophétie fut accomplie selon le calendrier juif, ils vont jusqu'au jour même, le 7 août 586 avant Jésus-Christ, quand les Babyloniens ont détruit Jérusalem. Ils sont partis, ils sont revenus et là ils ont brûlé le palais et le temple. Les reproches de Dieu contre Juda, c'est les frères du sud, on va les mettre dans le même panier avec les reproches contre Israël et on va prendre les autres reproches. On va lire la liste. Verset 6. À cause de trois crimes d'Israël, voici ce que dit l'Éternel. À cause de trois crimes d'Israël, même de quatre, je ne reviens pas sur ma décision, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de sandales. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des faibles, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père s'unissent à la même fille, afin de déshonorer mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des habits pris en gage. Alors bon, on comprend très bien qu'une débauche sexuelle, ici c'est moins clair. Ils s'étendent près de chaque autel sur des habits pris en gage. La loi, donc Juda n'obéissait pas à la loi, Israël non plus, la loi que Dieu avait donnée à son peuple était très claire. Si on prend un habit en gage, il faut le rendre avant le coucher du soleil parce qu'il en a besoin pour dormir. Et ils boivent dans le temple de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant, je détruis devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. Et là, Dieu enchaîne les choses qu'il a faites pour Israël, et pourtant Israël refuse de le connaître, refuse de l'adorer. Et on va avancer la liste, on pourrait détailler qu'est-ce qui se passait, pourquoi il faisait ça, quelles étaient les conséquences. Mais on va juste lire chapitre 3, verset 2, où Dieu montre pourquoi il va être plus sévère avec Israël qu'avec toutes les autres nations. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, Israélites, contre toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Donc, il traite toute la famille, tout le pays d'Israël. C'est le même qui est sorti d'Égypte dans la façon dont Dieu voit Israël. C'est vous, je vous ai fait sortir d'Égypte et c'est comme ça que vous réagissez. Je vous ai choisi, verset 2, vous seul parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tout vos péchés. Et Jésus a dit aussi quelque chose comme ça dans l'Apocalypse, Apocalypse 3, 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Là, il parle à une église, Jésus, il dit je punis ceux que j'aime. Et là, Dieu va être sévère avec Israël parce qu'il a choisi Israël. Alors ensuite, quatrièmement, n'essayez pas de retenir les quatrièmements, l'essentiel, on va le voir, c'est connaître Dieu afin d'être prêt à le rencontrer. Quatrièmement, la liste que Dieu fait dans chapitre 2 et 3 montre qu'Israël ne connaît pas le Dieu qu'ils disent servir. Alors, conclusion, ils doivent avoir une fausse religion. Amos 4, verset 4, on va lire. Encore Dieu qui parle. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Offrez vos sacrifices de louange, de reconnaissance avec du levain. Proclamez, annoncez vos offrandes volontaires. C'est en effet cela que vous aimez, Israélites, déclare le Seigneur l'Éternel. Alors voilà de l'ironie de la part de Dieu. Bethel, c'est l'endroit où il y a un faux temple. Il dit, allez-y, si ça vous fait plaisir, c'est ça que vous, c'est votre kiff, allez-y, allez-y. On peut continuer, Amos 5, 16. Ces paroles ici, les premières fois que j'ai lu ça, m'ont fait peur. Ce n'est pas pour vous. 5, 16. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, ou le Dieu des armées, le Seigneur. Sur toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Quel malheur, quel malheur !» On appellera le laboureur à prendre le deuil et ceux qui disent des complaintes à se lamenter. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend. Il gagne sa maison, appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Ensuite, les paroles qui m'ont fait trembler. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes instruments. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Voilà la fausse religion d'Israël. Et Dieu ne le supporte plus. Je ne supporte plus quand vous vous assemblez. Je ne supporte plus quand vous chantez. Je ne supporte plus vos sacrifices. Alors moi, j'ai pensé bien sûr à moi. Qu'est-ce que je fais? Moi, chaque dimanche, je viens, chaque jour. Parce que moi, je connais la vraie religion. Tout le monde est religieux. On a tous une croyance dans quelque chose. Mais est-ce que moi, vraiment, je connais Dieu? Et pas juste un Dieu que je me suis imaginé créer. On verra que la solution est dans le verset 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau. Et la justice comme un torrent, comme un torrent qui jamais ne tarit. On y reviendra plus tard. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On voit, donc à partir du verset chapitre 4, que le ton change. Dieu va faire une autre liste. Il va faire une liste de tous les malheurs qui vont tomber sur Israël, qui étaient tombés sur Israël. On va lire aussi ensemble. Hein. Ça va aller vite. Verset 6. 4. Chapitre 4, verset 6. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré ça, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont pas apaisé leur soif. Malgré ça, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Et cinq fois, Dieu conclut, malgré ça, vous n'êtes pas revenu à moi. Dieu envoie le malheur sur des villes, envoie le malheur sur des pays, malgré ça, vous n'êtes pas revenu à moi, il dit. Et alors vient la phrase, verset 12, qui est le titre, je pense le thème. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière que Sodome et Gomorre, Israël. C'est juste au verset au-dessus, hein, qu'il y a Sodome et Gomorre. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël. Et ensuite vient un moment de biographie, comme s'il rencontrait Dieu pour la première fois. Et on retrouve beaucoup dans le reste de Amos, Dieu doit dire qui il est, parce qu'Israël ne connaît rien de lui. En effet, verset 13, c'est lui qui a formé les montagnes et créé le vent, lui qui a fait connaître à l'homme ses pensées, qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. On peut continuer à lire. Il donne des ordres, qu'est-ce qu'il doit faire, et ensuite il continue l'introduction. C'est pourquoi, verset 9, ouais, c'est ça, hein. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Ouais, verset 7. Il change de droit en absinthe et jette la justice par terre. Ça, c'est ce que fait le peuple. Il a créé les Pléiades et Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Comme si Israël ne savait pas que le Dieu de la Bible, depuis la Genèse, c'est un Dieu qui a créé tout l'univers, qui a créé l'homme à son image et qui ensuite entretient une relation avec son peuple, comme s'il ne savait rien de tout ça. Là, il est obligé de dire, moi je suis Dieu, j'ai créé Orion et les Pléiades. Moi je suis Dieu, c'est moi qui fais lever le soleil. Israël aurait oublié. On va très vite, hein. Je suis désolé, parce qu'on va arriver à des conclusions, comprendre pourquoi Amos c'est encore pertinent, ça est très pertinent pour nous au XXIe siècle. Et ensuite, après que Dieu s'est présenté, c'est un justificatif pour punir. Parce que un des aspects de Dieu, c'est qu'il est juste et il ne supporte pas l'injustice. Donc il va punir l'injustice. L'exemple qui avait été donné il y a deux semaines par rapport à Haïti était pertinent, je pense. Si on donne de l'argent à une ONG, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, et donc on a donné une forte somme d'argent, et puis on apprend que pas un euro de l'argent est allé à Haïti, mais a servi soit à augmenter le salaire d'un dirigeant du bureau français, ou soit a servi juste pour entretenir le bureau, est-ce qu'on ne serait pas en colère? On sent l'injustice, on sait que ça ne doit pas être comme ça. Un Dieu est entièrement juste. Nous, on se met en colère pour des choses comme ça, mais Dieu nous regarde aussi. Quand nous, on est injuste, lui aussi, il va agir. Je ne dis pas que Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge fait ça. Hein. Ça, c'est juste des exemples d'organisation. Alors, donc, Dieu dit, je vais juger. Et on arrive au chapitre 7. On a cinq visions. Donc vous rappelez, hein, juste avant, c'est intéressant cet aspect, juste avant, Dieu leur dit, vous vous réjouissez de ce qui est néant, vous vous réjouissez de ce qui n'est pas en votre pouvoir, et ensuite, Dieu envoie des visions sur Amos. On va lire ensemble. Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé, chapitre 7, cette vision. Il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à pousser. C'était le regain après la coupe réservée au roi. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, Seigneur Éternel, pardonne donc, comment Jacob subsistera-t-il? il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela n'arrivera pas, a dit l'Éternel. Alors il y a cinq visions. Donc, c'est la première, les sauterelles qui ravagent le pays. Et puis Amos supplie Dieu de pardonner à Israël et Dieu le fait. Et il change d'avis. Et vous avez remarqué, comment Jacob subsistera-t-il, demande Amos, il est si petit. Alors que juste avant, Dieu a retenu contre Israël que justement ils se vantaient d'avoir par leur propre force agrandi leurs frontières, par leur propre force s'étaient enrichis. Mais Amos voit Israël dans leurs vraies conditions. Ils sont si petits, comment ils vont tenir devant toi? Deuxième vision, le feu qui dévore le pays. Et pareil, Dieu change d'avis quand Amos lui supplie de pardonner. Ensuite, troisième vision, c'est un fil de plomb à niveau qui montre que Dieu va mesurer Israël et il rasera tout ce qui n'est pas droit dans le pays. Et ensuite, on a un interlude biographique. On va lire ce texte, verset 10. Alors Amatia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, le roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes tes paroles. » En effet, voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée. Il vient de le dire au verset 20. Il mourra par l'épée et Israël sera exilé loin de son pays. Et Amatia dit à Amos, « Visionnaire, prophète, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. » D'abord, on a l'impression que Amos avait le choix. Mais Amos n'a pas le choix. Amos est un prophète. Quand il est appelé, il prophétise. Et on le verra plus tard. On dirait aussi qu'il a plaisir d'annoncer la destruction d'Israël. Il n'en a pas de plaisir. C'est son boulot. Il n'est que la voix, le messager. Et ensuite, regardez la réponse. Amos répondit à Amatia, « Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. » Dans le texte, c'est « pinceur de sycomores ». Apparemment, il pinçait, comme on fait pour des arbres fruitiers, on enlève les bourgeons de certaines branches pour que le fruit mûrisse plus vite sur les autres branches. Voilà, c'était son boulot. Je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Je suis jardinier, agriculteur, berger. Mais ensuite, il dit, « L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, « Va prophétiser à mon peuple Israël. » Et ensuite, il reprend son boulot et dit, « Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la famille d'Isaac. À cause de ça, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville et tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au ruban à mesurer. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera exilé loin de son pays. » Pas de joie à annoncer ça. Mais voilà, Amos a une parole de Dieu et il le fait. Là, quand même, on doit se poser la question personnelle. Dieu parle encore aujourd'hui. Est-ce que nous, on a cette tendance de dire c'est pour les autres, c'est pour les autres? Ou est-ce qu'on est Seigneur, parle, je t'écoute? Rasteni, est-ce que tu as soif de connaître la volonté de l'Éternel et de le mettre en pratique? Ou est-ce qu'on est du genre d'Amatia, qui a toutes les formes religieuses, hein? Ils avaient un temple, ils offraient des sacrifices, mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ensuite, les deux dernières visions arrivent. Chapitre 8, il y a la vision des fruits mûrs, et un jeu de mots, fruits mûrs, mûrs voulait dire des fruits à leur fin, et dit, voilà, le moment est mûr maintenant, parce que les fruits sont mûrs, je vais raser Israël pour la moisson. Et la cinquième vision, au chapitre 9, j'ai vu le Seigneur debout sur l'autel, et il a dit, frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Il n'y aura parmi eux aucun rescapé. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent au ciel, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les attraperai. S'ils se cachent à mes regards dans le fond de la mer, je leur donnerai au serpent de les y mordre. S'ils sont amenés en déportation par leurs ennemis, je leur donnerai à l'épée de les faire mourir. Je dirigerai mes regards vers eux pour leur faire du mal et non du bien. À lueur d'espoir encore. Là, il parle de la destruction du temple de Bethel. Déjà avant, il avait annoncé qu'il allait briser l'autel. Ici, il parle de la destruction du bâtiment lui-même. Et plus loin dans le texte, il montre que pour maintenant, Israël, je te mets au même niveau que tous les autres peuples. Je t'avais choisi, tu étais spécial, tu étais mon peuple choisi, avec qui j'avais une alliance. Mais maintenant, tu sais quoi? Moi, j'ai aussi fait sortir les Philistins de leur captivité. J'ai aussi fait sortir les Assyriens de leur captivité. C'est pareil qu'eux. Pourquoi tu le prends spécial? Et ensuite, on arrive à la dernière partie, où on va passer quand même un peu de temps, on va voir. Leur destruction ne sera pas totale. Une partie d'Israël survivra et Dieu promet la prospérité à tous, la prospérité à son peuple. La sentence est tombée, on vient de le lire, l'exil. C'est plusieurs fois mentionné dans le texte, là on en a pris un, et elle sera exécutée, comme j'ai dit, 722 ans avant Jésus-Christ, donc 30 ans après cette prophétie. Mais où est le Dieu d'amour dans Amos? Amos 4, verset 4, verset 6. On l'a déjà lu, mais on va le relire. On va voir, est-ce que vous avez vu le Dieu d'amour là-dedans? Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré ça, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Vous voyez le Dieu d'amour là-bas? Le Dieu de justice qui punit le péché laisse aussi paraître son amour. C'est un Dieu qui envoie la famine par amour. C'est un Dieu qui envoie la sécheresse par amour, au verset 7. C'est un Dieu qui détruit les récoltes par amour, quelques versets plus tard. C'est un Dieu qui envoie la peste et tue par amour. C'est un Dieu qui détruit, qui bouleverse par amour. Alors, je me rends compte, je fais la liste exprès, parce que Dieu l'a fait exprès aussi, de montrer qu'il envoie des choses horribles, et pourtant il dit, je fais ça pour que vous tourniez vers moi, et que vous viviez, comme il dit quelques chapitres plus loin. Tournez, venez vers moi, et vous vivrez. Tournez vers moi, vous serez heureux. Le Dieu d'amour, un Dieu qui n'aime pas, ne châtie pas. Le plus beau est encore à venir. On a lu ça aussi. Malheur à ceux, chapitre 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Ça paraît horrible. Il dit, vous pensez, dans l'époque, qu'est-ce qu'on pensait? On pensait que le jour de l'Éternel, dans une phrase populaire, ça voulait dire que Dieu va arriver, il va élever Israël au-dessus de tous les autres peuples, et ça va être un jour, punaise, Israël, on est balèze, on est fort. Et là, il dit, non, c'est la ténèbre pour vous, parce que je vais venir, et là, je suis un Dieu de justice, je vais juger vos actes. Mais pourquoi? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que dans le Nouveau Testament, c'est une note de passage. Hein. Le jour du Seigneur, quand on a pris le jus de raisin ce matin, le jour du Seigneur, c'est annoncé son retour. Le jour du Seigneur, c'est son retour qu'on a bu ce verre. Et la Bible affirme que tous ceux qui attendent son retour et qui aiment Jésus et qui ont placé en lui sa confiance, ce jour du Seigneur sera un jour d'espoir, de joie. Non pas parce qu'on est des bonnes personnes qui avons réussi à atteindre Dieu par nos efforts, mais parce que on a placé notre confiance en Jésus qui a acheté et payé le prix de nos péchés. Mais pour ceux qui le rejettent, effectivement, le jour du Seigneur sera un jour terrible, terrifiant. J'ai oublié une dernière chose dans les colères de Dieu. Je le mentionne juste en passant. Au chapitre 8, il y a une notion que, à cause de vos péchés, vous allez mourir de faim et de soif, mais non pas de nourriture et d'eau, mais de connaissance de Dieu. Alors, ça, c'est une prophétie qui s'est accomplie pendant 400 ans, certainement, les 400 ans avant Jésus, où il n'y a plus aucun prophète, il n'y a plus aucune parole qui est donnée, c'est un grand silence. Mais aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'aujourd'hui encore, ma génération, notre génération, nos pays, on souffre d'une soif intense de sens. Mais on cherche partout, sauf en Dieu. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle? On y arrive, hein? On y arrive, Amos 9, verset 11. C'est une bonne nouvelle d'abord parce que Dieu est complètement aux manettes. Et c'est un Dieu qui est un Dieu d'amour, malgré que Amos peut nous donner l'impression du contraire. Et il dit dans le chapitre 9, « Je donnerai mes ordres et je secourrai Israël. » Donnerai mes ordres. Rien ne lui échappe et il dit, personne n'échappera à mes ordres. Mais verset 11, il dit, quand j'aurai tué tous les pécheurs, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches et j'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que Dieu promet, je vais quand même laisser un petit groupe en vie. Mais plus que ça, on lit la Bible en tant que chrétien, donc il faut toute la Bible, et le verset 12, ce qu'on a lu, « Afin qu'il possède le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué », est cité dans le Nouveau Testament. Sauf qu'il s'est permis un peu de liberté, l'apôtre. Dans Actes. Donc on va lire ensemble Actes 15, verset 16, pour comprendre pourquoi c'est une bonne nouvelle. Certains livres, Habacuc, par exemple, Osée, qu'on va étudier dans 3 semaines, sont des livres très faciles à mettre en parallèle avec Jésus. Il y a des paroles qui sont prononcées, et on dit, ah bah, ça Jésus a dit la même chose ici. Donc il a cité, et il a dit, ça c'est moi. Par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a la parole qui vient, je ne cherche pas des sacrifices, mais la miséricorde. Et ça, Jésus s'en est servi, il dit, arrêtez d'essayer d'être religieux et d'atteindre Dieu par vos propres forces, simplement, avouez que vous êtes pécheur et demandez le pardon. Mais dans Amos, il n'y a pas trop ça. Il y a un seul verset qui est cité dans le Nouveau Testament, c'est celui-ci. Acte 15, verset 16. C'est Jacques qui parle et dit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela. » Là, il est en train d'avoir un débat théologique dans Actes. Est-ce que Jésus est aussi mort pour les non-juifs? Et il va, il cite Amos et dit, oui, regardez. Amos dit que après la destruction, après l'exil, après la punition, les non-juifs vont aussi pouvoir accepter Jésus. C'est comme ça que lui, il lit Amos. Alors ça, c'est une bonne nouvelle d'abord pour nous. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de juifs parmi nous. Alors, qu'on soit ici, qu'on connaisse Jésus, c'est parce que Dieu a ouvert la voie. Il dit, je vais d'abord juger Israël. les envoie en exil, puis je vais les ramener, et puis à ce nombre que je vais ramener, je vais ajouter les non-juifs. Première bonne nouvelle. Ensuite, deuxième bonne nouvelle, si on lit le reste, on va le lire. Voici les jours, verset 13, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, et où le mou coulera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Voilà la promesse. Que oui, s'accomplit quand Israël est revenu de la captivité, aussi qui s'est accompli en 1948, quand Israël est de nouveau revenu en captivité et a à nouveau eu un pays, mais aussi une promesse pour tous ceux qui sont chrétiens, donc qui croient que Jésus est le Messie. Pourquoi une promesse? Parce que où sont les conditions de cette promesse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Israël soit rétabli? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les vignes, que les champs rapportent gros, qu'on ne soit plus arraché de notre pays? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de condition. Alors que souvent, Dieu disait, si vous faites ça, si vous faites ça, si vous faites ça, alors je vous donnerai ça, ça, ça. Ici, les conditions ne sont plus données. Alors ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Et on va terminer avec ça. On va lire quelques conditions d'Amos qui donne plus tôt. Chapitre 5, verset 14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Éternel, le Dieu de l'univers, sera avec vous, comme vous le dites. Voilà une condition. Cherchez le bien. Ou alors, plus loin, haïssez le mal, aimez le bien. Je n'ai pas noté la référence. C'est juste après, c'est avant ou après? Ouais. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Plus loin, en bas, verset 24, que le droit jaillisse comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui ne s'arrive jamais. Ça, c'est des conditions. Mais comment faire pour que la justice coule comme un torrent éternel? On a vu qu'à la fin de la mort, il n'y a plus de conditions. C'est parce que Jésus allait accomplir ce que Dieu demandait. On pourrait dire que Dieu accomplit ce que Dieu demande lui-même. Et là, on va lire Philippiens 3. Il y a beaucoup de versets. Hein. Tant mieux, parce que ça veut dire que c'est dans la Bible. Philippiens 3, 7. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle combien il était un grand pharisien, un grand juif, des grands juifs, qu'il avait beaucoup de choses duquel il pourrait se vanter. Mais il dit, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Et, c'est là qu'on trouve la justice, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, et qui est fondée sur la foi. Pas de condition, pourquoi? Parce que la foi n'est pas une condition. La foi, on fait confiance. On fait confiance que Jésus a acheté les conditions, que Jésus a obtenu tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir cette promesse d'être les enfants de Dieu. On peut encore lire 2 Corinthiens, ben je vais juste le lire. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Jésus justice de Dieu. Comment est-ce que la justice ne s'arrête plus jamais? il faut que Jésus meure à notre place. Parce que franchement, si c'était Stéphane qui devait, jour après jour, essayer d'être juste, c'est grillé d'avance, je n'aurais pas une chance. Alors, quelques conclusions. Pourquoi ces bonnes nouvelles, on en a vu. Il n'y a pas de conditions. Et aussi pour les non-juifs. J'ai quatre applications. Arrêtons de nous nourrir de la vision de Dieu des autres. Arrêtons d'avoir un Dieu deuxième main. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On est passé un peu partout dans Amos. Mais il y a vraiment cette idée que Israël ne connaissait plus Dieu. Et qu'en grande partie, c'était à cause de ça qu'il péchait. Il n'avait rien à faire de ce Dieu parce qu'il ne le connaissait pas. Un Dieu qui est effrayant, mais qui est aussi un Dieu d'amour. Alors arrêtons d'avoir un Dieu deuxième main. Faisons un retour aux sources. Découvrons le vrai Dieu, celui qui change l'aurore en ténèbres, qui marche sur les hauteurs de la terre, qui a créé les Pléiades et l'Orion, qui change les ténèbres en aurore, qui obscurcit le jour pour en faire la nuit. Rencontrons notre Dieu. Assainis, et adorons le vrai Dieu. Ensuite, vivons, deuxièmement, premièrement, arrêtons d'avoir un Dieu deuxième main. Deuxièmement, vivons dans la justice de Dieu. Faisons gaffe aux fausses religions. Où on pense que Dieu va nous accepter parce qu'on est bien, parce qu'on n'est pas aussi mauvais que les autres. La Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ce même passage dans Romains 3 parle justement de la justice de Dieu en disant, il a envoyé Jésus mourir à notre place afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis nos péchés, il a puni Jésus à notre place, et pour montrer son amour, parce qu'il nous donne un échappatoire. Troisièmement, soyons prêts pour le jour du Seigneur. On a vu, c'est un jour de colère, mais Jésus nous tend la main, et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, qu'on avait vu en début 2009, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Alors soyons prêts pour ce jour où Jésus reviendra. Pour nous, ça va être un moment de grande joie, si on le connaît. Quatrièmement, une vraie connaissance de Dieu mène toujours à l'adoration. Ça, c'est en lien avec le premier. Si on veut vraiment être des personnes qui avons à cœur Dieu, qui avons à cœur de l'adorer, de le connaître, de le louer, on doit avoir une vraie connaissance de Dieu. Alors, vice-versa, une vraie connaissance découle en adoration. Un exemple. Pourquoi, on n'en a pas parlé, hein, pourquoi est-il utile de savoir que c'est Dieu qui fait les tremblements de terre? Trois fois, il est question de tremblements de terre dans Amos. Deux fois où c'est très clair, c'est Dieu qui soulève et fait retomber la terre. Pourquoi c'est important? On vient de vivre à Haïti. Et là, on a un peu de temps. Je vais quand même vous raconter ça. Essayer de retomber. Il faudra revenir dimanche prochain pour le Dieu d'amour. Hein. Franchement, dans Amos, je ne l'ai pas vu autant. Mais la colère de Dieu est terrible dans Amos. Aujourd'hui, certains hésitent à dire que Dieu envoie des tsunamis et des tremblements de terre qui tuent 200 000 personnes en un instant. Mais c'est contredire Dieu de dire ça. Amos 4 le dit. C'est lui qui envoie ces choses. Amos 4, 6, il dit... Est-ce qu'il y a un malheur qui arrive sur une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Pourquoi on en parle? J'ai une amie qui a visité une église la semaine dernière où il était question de Haïti. Quelqu'un a lu une lettre de Haïti et il paraît qu'il y a un nom sur les lèvres de beaucoup de personnes là-bas, Jésus. Ils se tournent de nouveau vers Dieu et ils disent que Dieu a envoyé le tremblement de terre sur eux à cause de leurs nombreux péchés. C'est la lettre qui disait ça. Et à la lecture d'Amos, c'est une bonne façon de voir les choses. C'est vrai que nous, on n'aurait pas envie de dire plutôt « Dieu permet les choses à Dieu qui envoie les choses, les tremblements de terre. On ne va pas rentrer là-dedans. La lecture d'Amos, c'est une bonne façon de voir les choses. Dieu est juste, on est pécheur, il a le droit. Mais, après la lecture de cette lettre, l'Église a prié que les Haïtiens arrêtent de dire que Dieu a envoyé le tremblement de terre. Et ensuite, ils ont prié pour leur bien matériel, qu'ils puissent avoir des médicaments, de l'eau et de la nourriture. Tout est essentiel, tout est important. Mais rejeter que Dieu est au contrôle des événements, et puis rejeter leurs besoins de Jésus, c'est pas Amos, c'est pas la Bible. Alors pourquoi je dis ça? On revient à une vraie connaissance de Dieu, même toujours à l'adoration. Si on lit le psaume 46, 7, on voit comment cette connaissance se transforme en adoration. On a lu des psaumes déjà ce matin. Celui-ci, je l'avais lu récemment. C'est quand j'ai vu ce verset, je me suis dit, ah, Amos, il faut qu'on le mette en lien. Un superbe psaume sur Dieu qui est un refuge et est un appui. Verset 5, si on veut déjà. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, Sion. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès la pointe du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. D'autres versions disent, au son de sa voix, nations tombent en effroi. Au son de la voix de Dieu, la terre tremble. Et David en a fait un psaume. Il adore Dieu parce que Dieu le contrôle. La voix de Dieu fait trembler la terre. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire qu'on a un grand Dieu. Et pas un petit Dieu à notre image. Une idole qu'on s'est fait. Alors, quatre applications. Arrêtons d'avoir un Dieu deuxième main. Amos avertit des dangers d'un Dieu deuxième main. Deuxièmement, vivons la justice de Dieu. Dieu nous dit, il veut que la justice coule comme un torrent qui ne s'arrête, qui ne tarit jamais. On ne peut pas avoir un torrent qui ne se tarit jamais. Ce n'est pas Dieu qui est ce torrent. Jésus est mort à notre place. Si on croit en lui, on s'habille de sa justice. Et la justice ne tarit jamais. Troisièmement, soyons prêts. Si on connaît Jésus, on est prêt pour le jour du Seigneur. On se réjouit de son retour. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut en Jésus-Christ. Quatrièmement, connaissons Dieu pour qu'on soit un peuple, pour qu'on soit une église de Phénie, qui adore Dieu de tout son cœur parce qu'on a un grand Dieu, qui est un Dieu de justice et un Dieu d'amour à la fois, des choses que nous, on n'arrivera jamais à réconcilier dans notre tête, mais qui est là dans la Bible. Et qu'on remercie Dieu, qu'il est un grand Dieu. Et que devant lui, on peut s'oublier nous-mêmes et s'émerveiller devant ce Dieu. On va prier?